pas d'enfance sans défense. Pas d'enfance sans défense. Pas d'enfance sans défense. Pas d'enfance sans défense. Tout enfant a droit à une identité. Il doit connaître sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, son nom, son prénom ainsi que sa filiation. Pour les petits garçons et les petites filles, carte d'identité, un livret de famille, registre des naissances, des documents où l'on retrouve tous ces renseignements. On peut les obtenir dans les mairies, les préfectures de tous les pays. Toute personne de moins de 18 ans est selon la loi encore un enfant. Il reste soumis à l'autorité des adultes qui doivent le protéger, lui offrir l'éducation et la santé, la moralité, la sécurité. Les mineurs doivent aimer leurs deux parents, les parents doivent aimer tous leurs enfants. La vie est faite de droits, d'obligations, de conflits, de réconciliations. Pas d'enfance sans défense, pas d'enfance sans défense, pas d'enfance sans défense, pas d'enfance sans défense, pas d'enfance sans défense. Pas d'enfant sans défense, pas d'enfant sans défense, pas d'enfant sans défense. Tout mineur a droit à la protection contre la violence sans condition. Ne pas être enrôlé dans une armée, pouvoir se soigner librement parler, ne pas être séparé de sa fratrie, comme ne pas être maltraité aussi. L'enfant a des devoirs, ne pas fuguer, respecter les autres, leur vie privée, respecter les règles, l'environnement, pratiquer l'entraide indéfiniment. Pas d'enfance sans défense, pas d'enfance sans défense, pas d'enfance sans défense, pas d'enfance sans défense, pas d'enfance sans défense. Pas d'enfant sans défense, pas d'enfant sans défense, pas d'enfant sans défense, pas d'enfant sans défense, pas d'enfant sans défense.